cet enfant-là n'était pas de son siècle, celui des stades et des discothèques. Dans les églises, il aimait se cacher, pas pour prier, mais pour chanter. Il attendait qu'il n'y ait plus personne. Il s'asseyait près du grand harmonium. Jouait d'un doigt hésitant, sans savoir le cœur battant. Là, dans la cathédrale, sous une pluie d'étoiles, des voix lui répondaient, ce grand music hall. Drôle de cathédrale pour une drôle d'idole. Quelle étoile a son eau du bon Dieu, et l'harmonium lui manque un peu.